Chapitre 7e, Oxford, le docteur Gwynne. Monsieur Arabin, ainsi que nous l'avons dit, avait fait une triste promenade sous les arbres du cimetière de Plumstead. Il ne reparut qu'au dîner, et sembla être, autant qu'on en put juger, dans son humeur ordinaire. Selon son habitude, il s'était posé beaucoup de questions auxquelles il avait répondu, et la conclusion qu'il avait tirée est qu'il s'était conduit comme un sot. Il avait décidé qu'il était beaucoup trop vieux, beaucoup trop rouillé pour entrer dans la carrière amoureuse, qu'il en avait laissé passer le temps, et que maintenant il devait se coucher comme il avait fait son lit. Puis il se demanda s'il aimait vraiment cette femme, et il se répondit, non sans une lutte pénible et longue contre lui-même, mais avec une honnête sincérité, que certainement il l'aimait. Il se demanda encore s'il n'aimait pas aussi sa fortune, et de nouveau il se répondit qu'il l'aimait, mais ici sa réponse n'avait pas la même vérité. Ça avait toujours été chez lui une faiblesse, résultat d'un excès de défiance de lui-même, d'attribuer à ses actes des motifs malhonnêtes. Sans doute, pourvu d'un petit héritage et de son traitement d'agrégé, habitué au luxe et au confortable dispendieux du collège, il aurait hésité à épouser une femme pauvre, alors même que son penchant l'eût porté vers elle. Sans doute, la fortune d'Éléanor détruisait toutes les difficultés de cette nature. Mais ce qui n'était pas moins certain, c'est que l'amour s'était glissé dans son cœur, sans qu'il s'y glissât en même temps cette idée qu'il améliorerait sa position en partageant la fortune d'Éléanor. Donc, M. Arabin, injustement sévère pour lui-même, décida qu'il n'avait pas été le plus désintéressé des hommes. Il décida encore qu'Éléanor ne se souciait pas de lui, mais qu'elle se souciait de son rival. En conséquence, il résolut de ne plus penser à elle, et il continua de penser à elle jusqu'au moment où il faillit choir dans le ruisseau qui coulait au bout du jardin de l'archidiacre. Puis sa pensée se reporta à la signora Neroni, et il fit entre elle et Eleanor Ball des comparaisons qui ne furent pas toujours en faveur de la dernière. La signora l'avait écouté, flatté, elle avait cru en lui, ou du moins, elle le lui avait dit. Mrs. Bold aussi l'avait écouté, mais sans jamais le flatter. Elle n'avait pas toujours cru en lui, et voici qu'elle venait de le quitter, en proie à une rage violente. De plus, la signora était la plus jolie femme des deux, et elle avait l'attrait particulier de son infirmité, car pour lui c'était un attrait. Mais il lui aurait été impossible d'aimer la signora comme il sentait qu'il aimait maintenant Éléanor. Aussi, assis sur le bord du ruisseau, il y jetait des pierres, au lieu de s'y jeter lui-même, le plus triste des humains que puisse éclairer le soleil d'un jour d'été. En entendant sonner la cloche du dîner, il comprit qu'il était temps de rentrer en possession de lui-même. Il sentit qu'il se diminuait à ses propres yeux, qu'il gaspillait son temps et négligeait les devoirs qu'il avait pris l'engagement de remplir. Il aurait dû passer cet après-midi au milieu des pauvres de Saint-Évold, au lieu d'errer dans les jardins de Plumstead, amoureux, suranné, soupirant, ridicule. Nouveau Werther, moins la jeunesse. Il était honteux de lui-même et déterminé à se relever de l'état de dégradation où il s'était laissé tomber. Aussi, quand il parut au dîner, fut-il aussi animé que jamais, et soutint-il presque seul la conversation à la table de l'archidiacre. M. Harding était mal à l'aise et douloureusement affecté. Il ne cherchait pas à se donner un air dégagé. Le peu de paroles qu'il dit, il les adressa à sa fille. Il pensait que l'archidiacre et M. Arabin s'étaient ligués contre Éléanor. Tout son désir était de les laisser là et d'aller attendre dans son appartement de Barchester ce que le sort déciderait de lui. Le mot seul d'hospice lui était odieux. Pour avoir essayé de rentrer dans son ancienne situation, il souffrait tant. Certes, M. Quiverful pouvait prendre la place, ce n'était pas lui qui l'en empêcherait. L'archidiacre ne montrait pas plus de gaieté. Ce fut naturellement la maladie du pauvre doyen qui fit les premiers frais de la conversation. Le docteur Grantly ne mentionna pas le nom de M. Slope à propos de la mort presque certaine du docteur Trefoil. Il ne voulait pas parler de M. Slope en ce moment, ni laisser connaître ses tristes appréhensions. Mais l'idée que son ennemi pouvait devenir doyen de Barchester le rendait sombre. Qu'un semblable événement s'accomplit, qu'une si horrible catastrophe arriva, Barchester n'existerait plus pour lui. Il lui faudrait renoncer à ses anciennes fréquentations, à ses vieilles habitudes, à sa situation dans le clergé de la ville et vivre retiré dans sa paroisse de Plumstead. Ça avait été une dure épreuve pour lui de voir le docteur Proudie dans le palais épiscopal. Mais si M. Slope devait prendre possession de la résidence du doyen, il sentait que l'air ne serait plus respirable pour lui sur le parvis de la cathédrale. Aussi, quoique profondément attristé, M. Arabin fut-il en apparence le plus gai des six convives. Mr. Harding et Mrs. Grantly éprouvaient quelque irritation à ne point voir partager l'humeur sombre des autres. M. Harding trouvait qu'il semblait triompher de l'exclusion d'Eleanor. Mrs. Grantly, qu'il n'était pas aussi affecté qu'il aurait dû l'être par les incidents fâcheux de la journée, l'entêtement d'Eleanor, le succès de M. Slope et l'attaque d'apoplexie du pauvre doyen. M. Harding quitta la salle à manger presque en même temps que les dames, et alors l'archidiacre ouvrit son cœur à M. Arabin. L'hospice lui tenait toujours au cœur. Qu'est-ce que ce drôle voulait dire en écrivant à Mrs. Bold que si M. Harding voulait faire une visite à l'évêque, tout irait bien? Certes, je ne me laisserai pas guider par un avis de lui, mais il ne serait peut-être pas mauvais que M. Harding vît l'évêque. Il serait insensé de laisser échapper la place parce qu'il plaît à Mrs. Bold de faire une sottise. M. Harding insinua qu'il n'était pas aussi certain que Mrs. Bold fût sur la voie de faire une sottise et qu'elle eût pour M. Slope des sentiments aussi ardents qu'on le supposait. L'archidiacre eut beau le presser de questions, il ne put tirer de lui rien de précis, et il demeura convaincu qu'il était destiné à devenir le beau-frère, malgré lui, de M. Slope. M. Harding insista fortement pour que M. Harding ne fît aucune démarche en conformité avec la lettre de M. Slope. Si l'évêque veut réellement lui donner la place, il le fera savoir d'une façon moins indirecte et moins étrange que par une lettre du genre de celle de M. Slope. Si M. Harding se présentait au palais, peut-être ferait-il tout simplement le jeu de M. Slope. Et il fut décidé qu'on ne ferait rien avant l'arrivée du docteur Gwynne, ou du moins sans l'approbation de ce haut et puissant personnage. Deux ou trois jours après le départ d'Eleanor, M. Arabin alla à Oxford et fut bientôt enfermé avec l'auguste chef du collège. Le docteur Gwynne n'avait pas une confiance démesurée dans les effets d'un voyage à Barchester, et il ne lui plaisait qu'à moitié d'entrer en rapport avec l'évêque. Il était presque guéri de son attaque de goutte, et M. Harbin vit bien que si la démarche qu'on lui demandait avait été selon ses sentiments, il se serait déjà transporté à Plumstead. Toutefois, le docteur Gwynne fut décidé par M. Harbin à aller faire une visite à son ami l'archidiacre, et promit de se rendre à Plumstead avec M. Arabin lui-même. Il ne pouvait admettre que M. Slope fût nommé doyen de Barchester. Des bruits étaient arrivés jusqu'à ses oreilles, bruits préjudiciables à la considération de M. Slope, et il exprima énergiquement la conviction qu'il ne pouvait être question de conférer à un tel homme une semblable dignité. À cet entretien assistait Tom Staple, l'un des tuteurs du collège, l'un des grands hommes d'Oxford. Tom Staple était un homme vigoureux, d'environ 45 ans, petit, au teint bronzé, à la chevelure noire, hérissée, ayant une barbe également noire, qui sur les côtés prenait la forme de favori. Il portait toujours une cravate blanche, propre sans doute, mais non nouée avec ce soin scrupuleux qui distingue maintenant les jeunes membres du clergé. Il était naturellement tout de noir habillé. M. Staple n'était certes pas un viveur. Cependant, son nez semblait prendre une teinte légèrement pourprée et luisante. C'était, au dire de ses amis, l'effet d'un certain baril de Porto qu'il avait fait entrer dans sa cave cette année même. D'ailleurs, il n'était pas impossible de percevoir, quand il parlait, une certaine odeur qui ne pouvait se rapporter qu'au vin en question. Tom Staple, dans la circonstance présente, mit toute sa sagesse au service du docteur Gwynne et de M. Arabin. C'est absolument hors de question, dit-il. On ne peut faire de M. Slope un doyen de Barchester. C'est aussi mon avis, dit le docteur. Il n'a aucun pied dans le monde clérical, et si ce qu'on dit est vrai, il manque de tenue. Quant à ce qui est de la tenue, dit Tom Staple, il ne faut pas s'y arrêter. Ils aiment assez à donner les décanats des prêtres, qui ne sont rien moins qu'austères. Un bon vivant qui n'a rien d'outré dans son orthodoxie est assez leur homme. Mais ils ne pourront pas nommer M. Slope. Les deux derniers doyens ont été de Cambridge. Il n'y a pas d'exemple que trois doyens de suite sortent de la même université. Nous n'aurons jamais, je suppose, la part qui nous revient, mais nous aurons au moins une nomination sur trois. « Toutes ces règles-là n'existent plus maintenant, » dit M. Arabin. Qu'est-ce qui existe encore des bonnes coutumes et des bonnes traditions ? Dit Tom Staple. « Malgré tout, M. Slope ne sera pas doyen. »« Et qui aura l'hospice ?» dit M. Arabin. « J'ai entendu dire que M. Quiverful était déjà nommé, » dit Tom Staple. « Je ne crois pas, » dit le docteur. « Et qui plus est, je ne crois pas l'évêque l'a vue assez courte pour aller ainsi donner contre un rocher. » M. Slope a assez de bon sens pour l'en empêcher. « Mais peut-être M. Slope ne verra-t-il pas d'objection à ce que son patron alla donner contre un rocher ?» dit Tom Staple, toujours soupçonneux. « Qui gagnerait-il ? » demanda M. Arabin. « Il n'est pas facile de voir dans son jeu, » dit M. Staple. « Il semble évident qu'il tient l'évêque dans sa main. Il n'est pas moins évident qu'il remuait les terres pour faire entrer M. Quiverful à l'hospice, bien qu'ils ne doivent pas ignorer le tort que cette nomination fera à l'évêque. Il est impossible de comprendre cet homme, et il est douloureux de penser que le bonheur et la fortune d'honnêtes gens dépendent des manœuvres de cet intrigant. » Le docteur Gwynne, pas plus que M. Staple et M. Arabin, ne savait que le M. Slope en question avait tout fait pour assurer la nomination de leur candidat. Et qu'au lieu d'être solidement établi dans le palais, son expulsion avait déjà été décidée en haut lieu. « Voulez-vous que je vous dise ?» ajouta M. Staple. « Si Quiverful est mis à l'hospice et si le docteur Trefoil meurt, je ne serais pas étonné que le gouvernement conféra le décanat à M. Harding. » On serait tenu à lui donner un dédommagement, après tout ce qui a été dit au moment de sa démission. Le docteur Gwynne, sans répondre à cette suggestion, la jugea assez plausible. Si M. Harding n'était pas fait conservateur de l'hospice, pourquoi ne serait-il pas doyen de Barchester ? Ainsi, la conférence se termina sans qu'une résolution eût été arrêtée, et le docteur Gwynne ainsi que M. Arabin se préparèrent à partir pour Plumstead le lendemain.